En vérité, s'étonna le prince René en pénétrant quelques heures plus tard dans les appartements de l'ambassade d'Ibérie, on entre ici comme dans un moulin. Traversant une antichambre déserte, il entra dans un salon où il ne trouva personne. La pièce voisine, dont la porte était ouverte aussi et qui lui parut être le cabinet privé de l'ambassadeur, était déserte également. Un peu partout, il y avait des fleurs. Un va-et-vient assez animé régnait dans tout l'hôtel. On attendait la visite imminente du président de la République et c'était pour chacun le dernier quart d'heure d'après. « Quelqu'un en somme, se dit le prince en souriant, finira bien par apparaître. » Il gagna le balcon et s'y accouda songeur. Devant la gare d'Orsay, Marie et lui s'étaient tout à l'heure quittés sur un dernier baiser, dont le prince René gardait encore la grisante tiédeur sur les lèvres. Marie, il le sentait bien, serait désormais et pour toujours dans sa pensée, dans son cœur, dans sa vie. Elle seule pour lui existait sur terre, le reste. À ce moment, un huissier passa, traversant le salon. Le prince qui l'aperçut l'appela. L'autre n'entendit pas, il courait transmettre des ordres. Cet homme reviendra sans doute, ou quelqu'un d'autre. Le prince rentra dans le salon et alla s'asseoir dans un fauteuil bergère, contre un paravent de velours chiffré aux armes d'Hyperie, et se replongea dans ses réflexions amoureuses. La blonde et exquise image de Marise vint flotter devant ses yeux rêveurs. Elle l'enveloppa de son rêve. Un bruit de voix, auquel absorbé il ne prit garde, se fit entendre dans l'antichambre. « Doucement, messieurs, doucement, s'il vous plaît !» signifia l'huissier de personnage qui venait d'entrer. « Oui, je sais, du zèle, n'est-ce pas ?»« Du zèle ?» protesta un des deux hommes. « Et sans doute !»« Je vous dis, moi, qu'il est là, notre anarchiste qu'on nous a désigné. »« Oui, oui !» sourit l'huissier. « Mais bon Dieu, d'en bas, nous étions en faction !» Mon camarade et moi, on l'a bien vu sur le balcon. » Il devait, pardi, s'être faufilé là, entre deux fenêtres, quand quelqu'un devait passer dans cette pièce. L'huissier haussa les épaules. « Des visions, comme toujours !»« Soit !» concéda cependant le haut serviteur, indulgent et sceptique. « Allez voir !»« Oui, » dit l'un, « le balcon est vide, pardi !»« Et vide aussi la pièce voisine, » constata l'autre. « Mais je vous dis qu'il est ici !»« Allons inspecter l'appartement !» soupira l'huissier, les yeux au plafond. Décidément, se dit le prince, arraché à sa jolie songerie par ce bruit de voix auquel il n'avait prêté aucune attention, ce n'est pas un moulin ici, c'est une foire. Mais au fait, l'huissier. Mais celui-ci était déjà parti avec les deux hommes en ronde. Le prince se leva, fit quelques pas dans le salon, puis entra dans le cabinet de l'ambassadeur. Un coffret à cigarettes était sur la table. Comme il se penchait pour en prendre une, sur le buvard, une dépêche chiffrée attira ses yeux. Il reconnut du premier coup d'œil la clé du gouvernement d'Hyperie. Il déchiffra de mémoire. Troubles d'une certaine gravité ont éclaté ici avant-hier, après départ du prince héritier. Cependant, dans la pièce voisine de l'antichambre aux fenêtres du balcon, rôdaillait une ombre inquiète portant le prestigieux uniforme princier. Urbain avait appris qu'un anarchiste était dans l'appartement. Il prenait cela, lui, un peu plus au sérieux que les autres. Blême, il ne se fit à personne du soin d'inspecter en détail les êtres. Un sale coup est si vite fait. Il perçut dans la pièce voisine un léger froissement de papier. Il frissonna, risquant un œil à l'arrêt du chambranle. Il fit un bond en arrière, et gagnant l'antichambre, il fonça à travers le couloir. « L'anarchiste » articula-t-il d'une voix blanche, dans la pièce isolée où se trouvaient en morne conférence l'ambassadeur et le général Gormas. « Là, dans le bureau de son excellence, il fouille des papiers. « Hein ?» firent les deux dignitaires, troublés par la sincérité blême d'Urbain. Le général Gormas s'élança, un revolver au poing, suivi de l'ambassadeur et de plus loin par Urbain. Un homme était là, en effet, qui, à la bruyante arrivée du général, se retourna, lui sourit amicalement et lui tendit la main. « Vous ?» se dit la Gormas, pris d'une folle envie de danser. « Vous, Altesse, Altesse, vous... Ah, prince !» s'irradia l'ambassadeur. « Sauvé, sauvé !» On entendait déjà dans la grande antichambre s'ouvrir les portes à deux battants. Le général Gormas n'eut que le temps d'empoigner Urbain par le col de son prestigieux uniforme princier et de le projeter comme une balle dans un petit lavabo adjacent dont il referma vivement la porte. L'huissier, solennel, annonçait le président de la République. L'ambassadeur et le général échangèrent un regard où rayonnait leur âme libérée. « Santa Madonna !» exhala le général, se bombant en superbe posture de parade. Il était moins une.